This is a song for prayer. Hallelujah. Okay. moi qui sature. Ça. C'est mieux. Ja. A ti, damos. Ja. Ja. Per la luz. estamos ya. Ya. Para la luz. Ya. Je vais me fumer un pétard. Pas mal celui-là. T'as bien raison. Ça fait. c'est triste. Hein. Je vais te mettre un son pour délirer. Bienvenue sur la planète Mars. Voilà. Tu es avec nous maintenant. Et tu resteras pour des temps indéfinis dans la secte. Je suis de retour. Reste là. Voilà, voilà. Prends le temps de respirer. Maintenant, tu as l'éternité devant toi. Tous les deux. N'aie pas peur, mon enfant. Tiens. Je ne te veux aucun mal. Je suis ton ami. Viens. Viens du côté obscur. T'as dit tant de mal. Et tu verras. Vol. Ah oui, tu sais voler maintenant. Alors, reste. Très bon. Vous êtes français tous les deux ?